FrenchPod.com. C'est votre premier jour et je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, Mademoiselle Lefèvre. Je vous écoute, monsieur. Le magazine Belle est au centre du monde de la mode. Quand on décide que quelque chose est à la mode, c'est à la mode. Quand on décide que quelque chose n'est pas... Excusez-moi, je suis censée prendre des notes ? Ok, première règle, ne jamais m'interrompre. Deuxième règle, ne jamais poser de questions stupides. Pardon. Je continue. Je suis l'éditeur en chef de ce magazine. Voilà ce que j'attends de vous. Faire ce que je vous demande et deviner ce que j'ai oublié de vous demander. Mais monsieur, comment je pourrais deviner ? Troisième règle, ne jamais oublier les deux premières règles.